Poème 16. Paysage triste. Partie 2. Crépuscule du soir mystique. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Le souvenir avec le crépuscule rougeoie et tremble à l'ardent horizon. De l'espérance en flamme qui recule et s'agrandit ainsi qu'une cloison mystérieuse où mainte floraison d'alia, lys, tulipe et renoncule s'élance autour d'un treillis et circule parmi la maladive exhalaison de parfums lourds et chauds dont le poison d'alia, lys, tulipe et renoncule, noyant mes sens, mon âme et ma raison, mêle dans une immense pâmoison le souvenir avec le crépuscule. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.